Le testament de Ziska. Ouvrez la porte de la hutte, laissez-les tous entrer ici. Je le sens à mon cœur qui lutte, bientôt cela sera fini. Qu'aussi les enfants et les femmes ne demeurent point à l'écart. Je suis brûlée de moins de flammes quand sur eux je fixe un regard. Ils arrivent, les pauvres âmes, long cortège bas incliné. Hommes, vieillards, enfants et femmes, tout le peuple au village né. Pleurant, ils marchent vers la couche où repose le vieux pendour. Le triste cercle qui la touche forme un vaste lien d'amour. « Père, crie-t-il avec angoisse, déjà si tôt tu veux partir, d'où viendra l'aide à la paroisse si ta parole veut faiblir ? Tu fus le père du village, notre recours dans le besoin, notre conseil et notre gage, qu'adviendra-t-il si tu vas loin ? Ah, comment supporter encore l'oppression de nos seigneurs ? Comment porter longtemps encore la croix de nos persécuteurs ? Comment défendre nos croyances quand ils viennent dans nos maisons ravir nos plus fortes enfances ? Comment priver de tes leçons ? Ziska leur dit, mon sang se glace à vivre, j'ai fort peu de temps. Écoutez-moi, suivez ma trace, voici quel est mon testament. Voyez ce livre que j'explore, je vous le laisse pour miroir. Étudiez-le avant l'aurore, étudiez-le pendant le soir. Œil pour œil, dit ce sacré livre, membre pour membre et dent pour dent, de ses pages chacun s'enivre, j'en ai le doux pressentiment. Si j'y cueillais le suave baume qui sut calmer votre courroux, lisez-y l'histoire de l'homme forgeant l'épée au lieu de clous. Calme et vengeance est la prière qui va vers Dieu prendre son vol. Coupe et glaive, votre bannière, vous la trouverez sous ce sol. Approchez-vous, recueillez vite la parole d'un moribond. Voici que le dernier hussite remonte au ciel qui lui répond. Ils s'en vont, chargés de détresse, loin de la couche du cher mort. Et dans leur cœur gros de tristesse, son dernier mot résonne encore. Fût-ce un scélérat d'hérétique que recouvrit l'humble tombeau ? Fût-ce un homme diabolique ? Ziska fut-il un grand héros ? Maurice Hartmann. Paix et concorde au bruit sanglant des armes et sous le joug espoir et liberté. Béranger. La forge. C'était un calme merveilleux, celui qui couvrait la terre, quand près d'une forge naguère je passais silencieux. Devant la clarté de la flamme, un homme battait les reins. Au dehors, sur le seuil, sa femme pressait un fils sur son sein. Je songeais lors avec tristesse à ma vie au sombre cours, riche en combat, pauvre d'amour, sans repos et sans tendresse. À la femme, je dis, Agar, fleuris toujours belle et bonne, toi qui fixes un long regard sur ma mine qui frissonne, tu tiens caché ton doux enfant et tu le serres encore. Combien belle te fait ce soin, jeune mère, tu l'ignores. Avec ton lait, offre la vie à tes fils rudes et forts, que nulle maladive envie n'embrase jamais leur corps, qu'ils ignorent l'épidémie qu'avec un air de passion, des méchants, des fous par manie nomment civilisation. Pour toi, mon forgeron, achève ce qu'ordonne le destin, et travaille sans peine ni trêve pour ton pain quotidien. Forge près du foyer en feu au profit du pauvre monde, ce soc image si profonde de l'homme sous le ciel bleu. Meissner. Le jour, la nuit, son marteau frappe, toujours sur l'enclume il refrappe. C'est pour sa femme et ses enfants qu'il fait tant de clous tous les ans. Briseux, chanson du cloutier. Michel-Ange. Tout seul, au mur de la chapelle, assis, Michel-Ange peignait. Le feu divin dans sa prunelle, le feu dans ses doigts rayonnait. Pourtant, ce n'est avec tendresse qu'il peint le dernier jugement. Chaque trait est plein de rudesse, comme le glaive véhément. Mille et mille vastes figures se pressent au front magistral. Toutes vont prendre leur posture selon les vœux du général. À nul espion, l'accès n'est libre, à l'entourne-vie n'agit rien. Seule de chaque chair la fibre tremble au son du clairon divin. Soudain, d'une allure légère, plein d'une curieuse ardeur, S'en vient le pape avec mystère, car devant le maître il a peur. Michel-Ange voit qu'il approche, la fierté lui monte au cerveau. Sans vouloir lui faire un reproche, il saisit vite un soliveau qu'il jette en bas. Le morceau vole aux pieds du Saint-Père en éclat, lequel saute de la coupole sans plus y causer d'embarras. Et Michel-Ange seul demeure, créant comme Dieu l'Éternel, et comme les mondes sur l'heure s'ordonne l'œuvre à son appel. À Dieu pareil, il sut distraire tout regard au temps de l'effort, son large et mystérieux fer des profanes a fui l'abord. Mais quand le voile se déchire, il laisse entrer le prêtre roi, son œil lumineux semble dire « Regarde, cette œuvre est à toi ». Friedrich von Zaleth.